J'ai des envies d'ailleurs, me casser loin d'ici. Mais de là où tu vis, tu peux rien faire pour moi. C'est que partie remise pour s'envoyer en l'air. Car de là où je vis, je peux rien faire pour toi. Soleil noir, dans un ciel d'été, couché là, sur ma paillasse. Tu me fuis comme une ombre, endormie sous les toits. Je vais chercher encore, même si rien ne vient. Tous ces mots pour te dire, je n'ai Dieu que pour toi. Une touche de rouge. Tes lèvres blondes, dans un manteau noir, tes sourires glacés, piqués. Yeah.